Chapitre 46e. Les voleurs forment trois grandes catégories dans lesquelles on peut trouver plusieurs divisions et subdivisions. À la première de ces catégories appartiennent les voleurs de profession, qui sont réputés incorrigibles, bien que l'efficacité presque constante du régime auquel les Américains du Nord soumettent leurs prisonniers ait démontré qu'il n'est pas si grand coupable qu'il ne puisse être amené à récipiscence. Une vie habituellement criminelle est presque toujours la conséquence d'une première faute. L'impunité encourage et la punition ne corrige pas. Pour ce qui est de l'impunité, tôt ou tard elle a son terme. Ce serait heureux, très heureux, si la punition, quel que soit le délit, ne constitue pas une flétrissure perpétuelle. Mais nos sociétés européennes sont ainsi organisées. L'inexpérience y a tous les moyens de se pervertir. Succombe-t-elle? La justice est debout. La justice, disons la législation. Elle frappe. Qui frappe-t-elle? Le pauvre, l'ignorant, le malheureux, à qui le pain de l'éducation a manqué, celui à qui l'on n'a inculqué aucun principe de morale, celui pour qui la loi est restée sans promulgation, celui qui n'a pu avoir d'autres règles de conduite que les leçons de ce catéchisme sitôt oublié parce que l'enfant ne l'a pas compris et que l'homme fait n'y trouve, sous un amas de prescriptions religieuses, que des formules trop peu développées pour la pratique. Que l'on ne s'y trompe pas, malgré la diffusion des Lumières, l'éducation du peuple est encore à faire. C'est la science qui marche, mais elle marche seule. Elle marche pour les classes privilégiées, elle marche pour les riches. Elle n'illumine que les hautes régions, plus bas il n'y a que ténèbres. Chacun s'avance au hasard et comme à l'aveuglette. Tant pis pour qui se fourvoie. À chaque pas, il y a des abîmes, des gouffres, des embûches, des obstacles. Tant pis, on ne fera pas les frais d'infanal. Cherchez votre chemin, pauvres gens. Si vous ne le rencontrez pas, on vous tuera. Vous êtes-vous égarés? Souhaitez-vous revenir sur vos pas? Le souhaitez-vous avec force et sincérité? Vaine résolution, l'on vous tuera, ainsi le veut le préjugé. Vous êtes maudits, vous êtes des réprouvés, des parias, n'espérez plus. La société qui condamne, qui excommunie, crie sur vous anathème. Le juge vous a touché, vous n'aurez plus de pain. Lorsque l'expiation est indéfinie, que parlons-t-on de peine temporaire? Le tribunal inflige un châtiment. La durée de ce châtiment est fixée. Mais quand la sentence ne frappe plus, l'opinion frappe encore. Elle frappe toujours à tort et à travers. La sentence fait retrancher 6 mois de la vie d'un homme, 6 mois de sa liberté, l'opinion anéantit le reste. Ô vous qui prononcez des arrêts, tremblez. Le glaive de Thémis ne fait que d'incurables blessures. Ses stigmates les plus légers sont comme le chancre qui ronge tout, comme le feu grégeois qui dévore et ne peut s'éteindre. Nos codes établissent des peines correctionnelles, et les pires de tous les coupables ne sont pas ceux qui les ont encourus, mais ceux qui les ont subis. D'où vient que nous allons ainsi en sens inverse du but? C'est que maltraiter n'est pas corrigé. C'est au contraire pervertir et corrompre de plus en plus la nature humaine. C'est la contraindre à se dégrader, c'est l'abrutir. J'ai vu des délibérés de toutes les réclusions possibles, j'en ai vu des milliers, je n'en ai pas connu un seul, qu'eût puisé dans la captivité ses motifs de devenir meilleur. Se proposait-il de s'amender? C'était toujours par d'autres raisons plus puissantes. Le souvenir de la captivité ne réveillait qu'une irritation, un dépit, une rage, un ressentiment vague mais profond, et point de repentir. On se rappelait des concierges rapaces, des geôliers féroces, des porte-clés plus féroces encore. On se rappelait des iniquités, des tyrannies, des tyrans, ou plutôt des tigres, et l'on nous dira que ceux-là sont aussi des êtres faits à l'image de Dieu. Oh, blasphème! Ô libérés qui projettent de se maintenir honnêtes, il faut plus que de la vertu, il faut de l'héroïsme. Et encore, n'est-il pas sûr, s'il ne possède rien, que la société entière ne se retirera pas de lui? C'est un pestiféré, un lépreux, dont chacun s'isole. Est-ce la contagion que l'on craint? Non. La contagion est partout, au bagne comme sous les lambris dorés de la chaussée d'Antin. C'est la miséricorde qu'on redoute, et l'on saisit avec empressement un prétexte plausible pour s'en affranchir. Puisque le libéré est proscrit irrévocablement, s'il n'a pas le courage de périr, il faut bien qu'il se réfugie quelque part. Il lui est interdit de rentrer dans votre société, vous le repoussez. Où ira-t-il? Dans la sienne, et la sienne est ennemie de la vôtre. C'est donc vous qui grossissez le nombre des malfaiteurs, car le principe de toute société est de s'entraider les uns les autres. Ses pères lui tendront d'abord une main secourable, mais s'ils le nourrissent aujourd'hui, c'est à condition que demain il vous dépouillera. C'est vous qui l'avez réduit à cette extrémité, ne vous plaignez pas, mais s'il vous reste du bon sens, plaignez-le.